À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le Centre brésilien d'études de la politique de Sun Gun vient d'être constitué à l'Université de l'État de Rio de Janeiro. Au service de constitution ont participé les personnalités des organisations politiques et sociales comme le Parti de la Patrie Libre, le Comité préparatoire brésilien pour célébrer la journée de la brillante étoile et l'Association d'amitié Brésil-Corée et d'autres habitants. Lors du service, les orateurs ont exalté les nobles vies révolutionnaires et les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, et la grandeur du dirigeant suprême Kim Jong-un.